Le mercredi 1er mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les chauffeurs du réseau de transport de la capitale passent de la parole aux actes. Ils déclencheraient une grève générale illimitée dès lundi prochain, le 13 mars, à partir de 4 heures du matin. C'est du moins ce qu'évoquent plusieurs médias présentement dans la capitale. Un avis de grève a été acheminé au tribunal du travail ainsi qu'à la direction du RTC, mais celle-ci n'a pas encore confirmé l'information. Le syndicat des chauffeurs mettrait ainsi en application dès lundi prochain le mandat que lui ont accordé à 95% dimanche les 950 chauffeurs d'autobus. Et dans cette éventualité, des services essentiels seraient toujours offerts à la population. Les syndiqués et la partie patronale auront une dernière occasion de s'entendre demain alors qu'ils se rencontrent une nouvelle fois à la table des négociations. Mentionnons que la direction du RTC n'a pas commenté ces rumeurs présentement. On peut rappeler aussi que la convention collective des chauffeurs du RTC est échue depuis le 30 juin dernier. Les points de litige concernent les salaires, le régime de retraite et l'organisation du travail. Le CHU de Québec recule devant la grogne qu'a suscité le retrait du crucifix dans le hall d'entrée de l'hôpital Saint-Sacrement. Le fameux objet religieux retrouvera la place qu'il occupait depuis 1927 au premier étage de cet hôpital. L'organisation dit agir ainsi suite à une intervention du ministère de la Santé. Ce revirement fait également suite à l'appel de nombreux citoyens, patients et politiciens qui se sont indignés au cours des derniers jours de la décision de retirer l'objet religieux en raison d'une plainte isolée. Plus tôt aujourd'hui, le premier ministre Philippe Couillard a estimé que la neutralité religieuse n'était pas incompatible avec le devoir de mémoire et de protection du patrimoine religieux au Québec. La chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Anne Guérette, dénonce l'inaction de la ville dans le dossier Anna Collard. Elle contredit le maire Régis Labeaume, qui s'est souvent dit impuissant dans ce dossier en expliquant que la loi provinciale avait préséance. La chef de Démocratie Québec affirme détenir un avis juridique qui prouve que la ville a le pouvoir d'intervenir pour faire cesser les émanations polluantes de l'usine de peinture située à Cap-Rouge. Enfin, une trentaine d'organismes de Québec se mobilisent pour souligner le 400e anniversaire de l'arrivée à Québec des premiers colons Louis Hébert et Marie Rollet. Une variété d'activités, dont des conférences et des expositions, vont se succéder au cours des prochains mois pour commémorer l'arrivée du premier couple de colons en Nouvelle-France. En conférence de presse ce matin, des historiens ont dévoilé le contenu de l'acte de mariage du couple que l'on croyait détruit. Un Québécois a ainsi découvert, en fouillant dans les archives nationales de France, que Louis Hébert et Marie Rollet s'étaient mariés à l'église Saint-Sulpice de Paris et non à l'église Saint-Germain et l'Auxerrois, comme on le croyait jusqu'alors. Le document démontre aussi que Marie Rollet était veuve lors de son union avec Louis Hébert. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est de la pluie aujourd'hui. Il y a des nappes de brouillard à certains endroits également. Maximum de plus 2 cet après-midi. Ce soir et cette nuit, la pluie se change en pluie verglaçante. On attend également 5 cm de neige la nuit prochaine. Le mercure oscillera autour du point de congélation. Demain, jeudi, de la neige. Il fera moins 2 degrés comme maximum. Et puis, ça se refroidit vers la fin de la semaine. Moins 12 degrés vendredi, bien que ce sera sous le soleil. Et moins 14 samedi, sous le soleil également.